bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, la super nouvelle émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Et aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae, et oui comme tous les dimanches soirs à 21h. Une émission fantastique, fabuleuse, qui détend tout le monde avant d'aller au lit. Et oui monsieur, ça détend tout le monde, ça fait du bien au moral, c'est bon pour le moral, eh bah bien sûr. Et aujourd'hui 8 artistes fabuleux, et oui comme l'émission, bien sûr. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour commencer avec notre premier artiste les amis. Qui est une musique qui date de 2014. Ouais, vous imaginez 2014, ça commence à faire longtemps quand même, hein, ça commence à faire quelques années maintenant. Mais c'est une chanson que j'adore, même si elle date de 2014. Hein, même les musiques des années 80, ça fait vachement longtemps. Mais c'est toujours aussi bien, et bien celle de 2014, elle est toujours aussi bien. Et je l'adore. J'adore l'écouter, tout simplement. Et c'est Derrick Cochet de Paris Africa. C'est une chanson qui a été faite. Bah, bien sûr, ça se dit pas du tout, qui n'est pas du tout. C'est dur le dimanche soir, hein, mais bon. C'est une chanson qui a été faite pour l'UNICEF. Ouais, et vous allez voir, c'est une tuerie. Moi, j'adore. C'est une dinguerie. Voilà, comme on dit chaque dimanche. Voilà, tout simplement. Donc, je vous propose qu'on l'écoute dès à présent. Let's go. Qui sourit et se fout d'être mouillé comme de la dernière pluie. Mais ici y'a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser. Faire tomber la pluie. Je me regarde creuser la terre, mais pas des puits. Je veux pas le monde. Je veux pas déranger. Mais juste un peu d'eau. Faire des ricochets. Faire des magnifique. Comme un autre qui grandit loin des dunes d'Afrique, sans avoir à scruter, sans avoir à subir un ciel qui vous oublie, un ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je veux seulement jeter des bouteilles dans la mer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que voilà mes rastas, c'était Derrick Cochet de Paris Africa. Voilà, j'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Elle est notre deuxième chanson. Et une fille qui chante. Je vous le dis, cette chanson, de base, c'est pas une chanson reggae. Mais elle est toute seule avec sa guitare. Et il y a quand même des petits trucs avec sa guitare qui font un peu reggae. Donc, je me suis permis de la mettre. Mais c'est vrai que, de base, elle devrait pas être là du côté où c'est pas vraiment, vraiment reggae. Mais vu que voilà, j'ai entendu des petits airs reggae avec la guitare, je me suis dit, bon, pourquoi pas la mettre. Puis en plus de ça, je la trouve très très très marrante cette chanson. Bon, peut-être que je serais tout seul à me taper une barre, hein. Ça serait dommage quand même. Je me sentirais un peu seul dans mon délire. Mais ça m'étonnerait que ce soit tout seul à rigoler, car je vous assure qu'elle est vraiment très très marrante. Bref, ça vous plaît, bah vous me le direz, hein, par message, par email, comme vous voulez. Et ça vous plaît pas, bah c'est la même. Vous me le direz quand même, bah, bien sûr. Bref, c'est Leila Whistle. Et la chanson est La Vieille. Ouais, le titre de la chanson, c'est La Vieille. Direct, mais vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez voir, vous allez vous taper une barre, j'en suis sûr. Let's go, les amis. J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrez, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ. Elle s'en allait gaiement, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, pour porter ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi, j'ai horreur de ça, comprenez-vous, monsieur. Je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher. Je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier mes draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard. Descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon. L'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, dit-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à du tulle. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteux quittant l'établissement afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort des moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au curé, qui au chevet d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus. Par contre, il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur patte, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix. Il respirait encore, mais il ne pendait pas. J'ai pas besoin de vous claironner, tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux, car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous les moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto. du troisième âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule. Du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. C'est la première fois que je dis un gros mot. Et tout en se servant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur. On aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Eh bien voilà mes Rasta, c'était la vieille de Leila Wissoud. Donc comme vous pouvez vous l'apercevoir, effectivement, il n'y avait pas vraiment ce thème reggae. Mais il y a quand même, pour ceux qui connaissent la base en guitare pour le reggae, il y avait quand même des petits coups qui faisaient reggae. Et on peut apercevoir ça avec les mouvements de tête qu'on peut faire dessus. Exactement, pour ceux qui s'y connaissent bien en reggae. J'espère qu'il y en a quand même, hein. Bah bien sûr, ça me vexe quand même un peu, hein. Notre troisième artiste, c'est de la dance hall. Ouais, de la dance hall, man. Et vous allez voir, c'est super. Moi, j'adore ça. Moi, la dance hall, ça me fait, mais alors, tellement bouger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... J'adore ça, quoi. Enfin, vraiment, ça me plaît. Ça me fait de l'effet. Ça... J'adore. Voilà, tout simplement. J'adore. Voilà, il y a trop de mots pour signifier la dance hall, c'est... Ah, j'adore, c'est tout. J'en fais peut-être un peu trop pour cet artiste quand même. Hein. L'artiste est Joyce. Et vous allez voir, la chanson là, c'est une tuerie. C'est une dinguerie. J'adore, j'adhère. Vous allez voir, c'est parti. Joyce sur Fadjet, let's go. Tanya, tame it, baby. Tiny. Yeah. I see. Body on this one, oh. I want that. Ain't nobody but I. Nah. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry. I don't wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be shy, don't you worry. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Number one, none better. Be here and don't bring no wahala. Other girls, so they don't even matter. Cause when you come through, you know there's nobody better. Number one lover. I'm on to your call, to your kind of what you need. Something like saying, Ariana, baby girl, come through. Got girls online, but they holla now, so they won't blow. But I did turn them down, cause now you, girl, me, I won't shoot. Baby, give me chance, don't be this time, baby, come through. Oh yeah, baby, come through. This your way, like in this your way. This your way, no replay. Oh yeah, why about me, baby, girl? This your way, like in this your way. This your way, no replay. Oh yeah, why about me, baby, girl? I wanna wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry. I don't wanna wait for nobody. I won't wait for nobody. I just wanna dance with you, mommy. I just wanna dance with you. I put my hands on your body. Don't be shy. Too much sauce, too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. She don't say I gotta choose. Ready, ready, ready, gotta choose now, nah. I don't want trouble, you. I just want to know, can I holla, yeah. 20 girl in a room. Baby, you the one that I choose, yeah, yeah. Body like Coca-Cola. I do I promise to love you if you let me enter. Yeah. Me and you, me and you. Too much sauce, too much juice. Dancing under the moon, baby, baby, yeah. I don't wanna wait for nobody. No, no, no, no. I just wanna dance with you, mommy. I put my hands on your body. Don't be scared, don't you worry. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Too much juice, too much sauce. Too much sauce, too much juice. Eh bien voilà, mes Rasta, c'était Juice. Allez, notre quatrième artiste est AJ Knoll. Il a repris la chanson Is This Love de Bob Marley. Et généralement, les reprises de Bob Marley, je suis pas trop fan. Car Bob Marley, quand même, c'est pas n'importe qui dans le milieu du reggae. Et il y en a qui reprennent ses chansons, mais n'importe comment, et ça m'énerve. Mais alors lui, par contre, il l'a tellement bien reprise que je suis obligé de vous la passer. C'est tout de suite Is This Love. Let's go. Treat you right. I want to love you, oh Lord. Every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share the shelter. Oh, my single bed, we'll share the same room. And job provides. Voilà mes Rasta, c'était El Janol. Allez, notre prochain artiste est Naaman. Il va chanter la chanson We All. Et je peux vous dire qu'il n'est pas tout seul, car dans le truc, il y a du monde. Hein. Oh là là là là là là. Allez, j'ai tous voulu dire. Donc Naaman, feat. Tenez-vous bien, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Generation, Phase Cachée, Scar, Yelam et D.H.F. Ouais, je la prononce à l'américaine comme ça. D.H.F. Ah, c'est stylé, quoi. C'est vraiment stylé, quoi. Allez, arrêtons un petit peu nos bêtises, là. Et mettons la chanson tout de suite. C'est parti. We go into a party, we go set it up nice as you want it. We all want go. This is a takeover. It can shoot the one stop, going harder than a rhyme. Lyrical crime, this new generation set the fire all the time. Same world, you better get ready. And together we are one family. Same world, in a Panam City, the new generation had it right with me. J'ai oublié que vous vouliez du fire. Gardez un pied sur terre, mais on vous emmène ailleurs. On a des vibes en élixir et des flots de grande valeur. Non, ne parle pas d'heure, allume plutôt les haut-parleurs. Pour le public, génération 3 pour les phases 4, pour la zig de toutes les façons. On s'arrête pas, non, on s'offre pas de sitôt. On fait trop de talent derrière le même micro. On avance ensemble côte à côte avec le même but. On se bat, on y croit, on ne lâche pas l'affaire. On se lève quand on chute, unis par l'amitié, la musique nous rend plus fort, n'en fait plus. Tu n'es pas l'habitude de chanter pour les prunes, encore moins de chanter pour la thune. Tu sais, ici et maintenant, c'est ici et maintenant que l'on cultive cette flamme. On vit ça ensemble, on vit ça tous ensemble. N2AMAN m'amène, le feu en 6 lettres. On a le chalumeau quand t'as le silex. Je reçois ce coup de fil de Fat Babs. Dans la minute on arrive à 3 en 2, 2 sur un 4-4. On se bat sur le tarmac, j'attrape ce pur beat, le brûle vif. Hashtag Jeanne d'Arc, c'est plat pour l'Olympia. Donc on arrive en équipe, on s'éteindra jamais comme la flamme olympique. We work on the dance to 6 a.m. Tribes were coming out in musical train. Move your feet like a burning flame. Girls feel sweet like a sugar cane. Boss made the matches light up them brain. Bad to the bone, green and fresh till the end. You don't know me, you soon know my name. Tell everybody my boss run the game. Hey yo Fat Babs, redémarre, ils en redemandent. T'as ceux qui foutent le feu et puis t'as ceux qui flambent. Tu peux compter sur ma bande, brûlant depuis les boss cassettes. La rime vient de sortir du four, thermostat. Vas-y, rush la tête, on s'occupe de la cuisson. C'est chaud et ça te procure des frissons. Ramène des skanking shoes si tu veux tenir la distance. À l'Olympia, on passe au plat de résistance. Wesh l'équipe, bah alors on n'attend pas Francis. Paix éternelle, un message, longue vie à nos vies d'artistes. Le nom d'un pote en grosses lettres rouges, ça ne me rend pas triste. J'ai la banane au max comme Fat Bab, j'ai Bruno Coca-Trix. Le temps passé, j'ai pas vu les choses changer. Les ans plus tard, toujours soudés devant les massifs déchaînés. Sur le bilan, on prendrait Milan à l'Olympia en fin septembre. Prenons tes potes, on va se détendre. Scarte la bande, la main, le show. Set it up nice as you want. Voilà mes Rasta, c'était Naaman, We Hall. Allez, notre prochain artiste est Black Words. Et le titre est Tribal War. Vous allez voir, c'est du reggae anglais. Et ça démonte tout. Moi, je kiffe et j'espère que vous allez kiffer aussi. C'est parti. Color green, I love you all. bien voilà mes rastas, c'était Black Waltz, Tribal War. Allez, notre septième artiste, donc avant-dernier, hein, j'ai envie de te dire, c'est Kana, et la chanson est Plantation, celle-là, la chanson, à tout le monde la connaît, c'est sûr et même certain, et je l'adore. Et je remarque qu'elle date il y a plus de 10 ans. Ouais, c'est... Ouais. Ça picote, hein, ouais, ça picote un peu, ouais, ça... Ouais. Ah, on voit pas les années passées, quoi, j'ai envie de dire. On voit pas du tout les années passées. C'est insupportable, vraiment. Donc, pour se remonter le moral, bah, j'ai envie de vous dire, Kana, Plantation, bah, bien sûr. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi, j'ai planté coco. Coco, ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes, légumes tu ne pas pousser. Moi j'ai planté agrumes, agrumes tu ne pas pousser. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres, concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté manioc, manioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. Alors moi j'ai planté tapioc, tapioc toujours pas poussé, toujours pas poussé. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai planté des nanas, la nana ça pousse pas. J'ai tout essayé, le tabac, les grenades, grenades ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? C'était Kana Plantation. Allez, notre dernier artiste, c'est Tej Sultana Jungle. J'ai pas passé 2 heures car je vois qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc on va faire le plus vite possible pour passer Tej Sultana. Allez, let's go les amis. Thank you. Et bien voilà Marasta, cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous souhaite une très bonne soirée tout simplement. Une bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fadjet. Salut tout le monde.